بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فإخوة الإسلام، ترون أننا في زمان تسمى الأسماء بغير أسمائها، والباطل أصبح حقا والحق أصبح باطلا ورجعية. ومنذ أكثر من سنتين وأنتم تسمعون الربيع العربي، وعندما يتكلم عن الربيع الذي يتبادر إلى الدين، الورود والطيور تغرد والماء يترقرق، وهؤلاء يسمون سفك الدماء وحرق الممتلكات وقتل الأبرياء وتشريد الأيتام والأرامل، يسمونه ربيعا. فعجبا كيف تسمى الأمور بغير أسمائها. وآخرون ويدعون الإسلام ويدعون وآخرون يدعون الإسلام ويدعون إلى الشذوذ الجنسي وحق الإجهاض وحرية أكل رمضان في نهار رمضان جهارا نهارا، والحق الذي خلقت له لأجل البشرية لا ذكر له عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. أن الله عز وجل وينفي أن يبوك où les gens ont changé les noms des choses. Le faux est devenu le vrai, et le vrai est devenu le faux. Le vrai est devenu, on le traite comme quoi, c'est revenir en arrière. Hein? Depuis plus de 2 ans maintenant, tu entends le printemps arabe. Et quand on parle du printemps réellement, ce qui vient à l'esprit, c'est l'eau du fleuve qui coule, c'est les cocolicots dans les champs, c'est les oiseaux qui chantent, c'est la belle vie, la douceur de la vie. Alors que ceux-là, ils appellent le printemps arabe, ils avaient le fait de dégorger des gens comme des moutons, le fait de brûler le bien public et le bien du particulier, le fait d'assassiner les innocents, le fait de faire des orphelins et de faire des veufs, ils appellent ça le printemps arabe. Étonnante la situation humaine, comment ils inversent les choses et comment ils donnent des noms, des faux noms à des choses qui sont loin du bien. Et d'autres prétendent carrément être musulmans et ils appellent vers la liberté. Que l'homme puisse se marier avec un homme sans problème, la femme puisse se marier avec une autre femme, qu'ils aient le droit d'adopter ou autre. D'autres, dans les pays de l'islam, ils appellent vers le droit de l'avortement. D'autres, ils appellent vers le droit de manger pendant plein jour de Ramadan au pays de l'islam. Et nous nous plaignons à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la réalité pour laquelle, la réelle chose pour laquelle l'humanité et les génies, les humains ont été créés, il n'a aucune valeur chez ceux-là. Ils n'en parlent même pas. والحق الذي خلقت لأجل البشرية الجن والإنس لا يتكلم عنه لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا الآخرين. كيف يمكن أن يفلح قوم أهملوا حق الله؟ وأضاعوا حق الله. وآخرون جعلوا الدعوة إلى حق الله عز وجل وإلى تحقيق حق الله سبحانه وتعالى، جعلوا هذا رجعية ووهابية وإرهابا والأسماء طويلة. والآخرون يقول لك هذا دين جديد وهذا لا يصلح إلا للأزمان الماضية ولا يصلح لعالمنا اليوم. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من رضي الإسلام ورضي التوحيد للبشرية؟ الله سبحانه وتعالى. فهو اللطيف بعباده وهو الخبير بهم وهو العليم بما يصلح دنياهم وأخراهم. الله عز وجل il est droit pour lequel les génies, les humains sont créés, ce droit qu'ils doivent accomplir, il a aucune citation c'est ces gens-là, ni chez les uns ni chez les autres. Comment des gens qui ont négligé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent réussir? Comment des gens qui ne donnent pas l'importance au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent réussir? Certains ont fait même le fait d'appeler les gens vers la vérité, vers ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait que ça, tu vas les ramener en arrière. Ils disent que ça, c'est le terrorisme, c'est l'extrémisme, c'est le wahhabisme, ils basent les étiquettes. Et ça, c'est une religion nouvelle, etc. Subhanallah. Allah qui a créé, a décrété que l'adoration doit lui être réservée. Qui connaît mieux sa création? Et qui sait ce qui convient à sa création? Allah ou les humains? C'est lui qui sait, c'est lui qui connaît là où est l'intérêt des humains dans ce bas monde et dans l'au-delà. فانظر كيف قلبت الموازين اخ الاسلام وهؤلاء يدعون الاصلاح ولن يتم الاصلاح لاخر هذه الامه الا بما اراده الله سبحانه وتعالى لن يتم لها الاصلاح ابدا الا بما اراده الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لا regarde comment les situations ont changé, on a tout renversé. Et ceux-là, ils prétendent qu'ils veulent les réformes et qu'ils veulent le bien pour la communauté. Et le bien de la communauté ne serait arrivé comme ça, abadan. Le bien de la communauté arrive avec ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة أي الحرام تحايلتم عليه حتى أعطيتم صورة الحلال لا يكون ربا ولا يكون كيما فكان فتحايل عليه الناس فأعطوه صورة الحلال. هذا المرض موجود الآن. وأتبعتم أذناب البقرة أي رضيتم بهذه الدنيا وتكالفتم عليها وتركتم واجبات الله سبحانه وتعالى. وأتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي رضيتم بهذه الدنيا وسكنتم إليها وتركتم الجهاد في سبيل الله. هذا فرض من الفروض المتروكة وإلا فالفروض كثيرة ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال إذا كانت هذه الأمراض وهذه الأمراض موجودة فينا الآن فماذا يكون يا رسول الله؟ يكون قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فانظر أبعد هذا الذل الذي فيه الأمة الإسلامية ذل في آخر كل الأمم تذل المسلمين. لماذا؟ أمتى يكون لهم العز؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. عندك لا تحب واش الرجوع إلى الدين سهل لمن سهله الله عليه. لكن العلماء وشراء الحديث يقول انتبه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى الدين، لا، حتى ترجعوا إلى دينكم. والكاف هنا كاف المخاطب، يخاطب الله أناسا. من كان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كان أمامه؟ كان أمامه الصحابة. فيقول العلماء أن لكي نخرج من الذل فيجب أن نرجع إلى الدين الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والصحابة رضوان الله عليهم، لأنه هو اللي تكلم معهم، خاطبهم حتى ترجعوا إلى دينكم، ما قال حتى ترجعوا إلى الدين، لا، عين الدين الذي يجب الرجوع إليه للخروج من الهوان ومن الذل، ألا وهو دين صحابة رسول الله والدين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. فهنا الله عز وجل regarde maintenant cette image que nous donne le messager عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدلك على مصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه الصادق المصدوق الذي ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. Regarde, Féon Allah, Azza wa Jal, ce hadith authentique, il se trouve dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, le hadith d'Abdullah ibn Omar. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous commercez avec l'ina, c'est le fait de déguiser le haram et d'en faire halal, de lui donner un aspect pour ruser, pour le faire passer pour le halal. Que ce soit l'intérêt ou que ce soit les différentes formes de transactions commerciales qui sont haram et on les déguise pour leur donner l'aspect halal. Hada l'ina. Et ça, actuellement, vas-y, parle sans gêne. Les formes qu'il y a dans la communauté parlent sans gêne. Hein? Et les hommes de science du mal l'autorisent en plus. Hada d'une part. Et il a dit, et vous courez derrière ce bas monde. Le fait d'aller chercher cette subsistance est demandé par les moyens légiférés. Mais pas au détriment des obligations d'Allah. Pas au détriment des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes content de ce bas monde. Hein? Et vous délaissez le combat sur le centre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité les maladies, il a donné comme exemple juste cette obligation qui est le combat sur le centre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'obligations nous avons délaissées, que la communauté a délaissées? Les maladies sont là à l'islam. Qu'est-ce qui découle de cette maladie qui grignote la communauté maintenant? Il en découle que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah va vous déshonorer et vous rabaissez jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Mais un dak, le retour à la religion, c'est pas une mince affaire. Hein? Retourner à la religion, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli sur le chemin. Et revenir à sa religion, revenir à votre religion, il faut faire très attention ici, c'est une religion bien précise. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à des gens, il leur a dit votre religion. Et on n'était pas là. Il était rejoint de groupe maintenant, ils n'étaient pas là non plus. Hein? Mais qui était là à ce moment-là? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiya, hein? Abu Huraira, Abdullah ibn Omar et les compagnons, ils étaient là. Les hommes de science disent, ça veut dire que pour sortir de ces déshonneurs et de ce rabaissement, il faut revenir à la religion sur laquelle était Mohammed et ses nobles compagnons. Pour sortir de là. Il n'y a pas d'autre issue. Ni la politique ne sortira pas du déshonneur dans lequel ils sont, ni les solutions de l'Occident, les idées de l'Occident, les principes fondamentaux, les principes qu'il y a chez l'Occident. Abadan, jamais de la vie. Mais c'est le retour à la religion sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons. Falas siyasat manqula an al-gharb ولا عن الشرق ولا الاجتماعيات المنقولة عن الغرب وعن الشرق ستخرجنا من الهوان والدل الذي نحن فيه لن يخرجنا من هذا إلا الدواء الذي نص عليه حديث رسول الله حتى ترجعوا إلى دينكم أي للدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الدين مبني على أصلين تحقيق العبودية لله وإخلاصها لله واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام يا rien qui va nous sortir de notre malaise maintenant à part cette religion sur laquelle était Mohammed alayhi salatu wasalam, ses nobles compagnons. Et cette religion est basée sur deux piliers principaux, à savoir accomplir les adorations sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wasalam. Abadan, obligé d'accomplir ça. نعرف أن هذا الكلام يدخل على كثير من الناس ويستغربه كثير من الناس لأن هذه الفضائيات الآن وعلماء السوء والتأثير بالفخ والتأثر بالفكر الغربي غيرت مفاهيم الناس وغيرت نظرية الناس يرحمك الله ولكن لنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي رواية قال هم النزاع من القبائل، أي أفراد قليلون يخرجون لإعلاء كلمة الله وللدعوة إلى دين الله ولإعلاء الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كانت الغربة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد 3 سنوات ولم يتكون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 40 شخصا، فالغربة اليوم ليست في العدد لكن في المفهوم للإسلام الحقيقي وفي التطبيق الحقيقي للإسلام. المسلمون كثر اليوم لكن أين هم من فهم الدين كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم؟ أين هم من تطبيق الدين كما طبقه الصحابة رضوان الله عليهم؟ فهذه غربتنا اليوم في التطبيق أخ الإسلام وليست في العدد. Je sais que ces paroles sont étranges pour beaucoup de personnes. Ils dérangent beaucoup de personnes. Ceci n'est pas quelque chose d'étonnant. Parce que ces chaînes de télé, arabes et non arabes, ont changé les définitions de la religion chez beaucoup de personnes. Et l'impact et l'influence occidentale sur l'esprit, sur les opinions et les visions des gens est très forte. Et ça a changé la vision des choses, la compréhension, les définitions des choses et beaucoup de choses. Mais ceci à tel point que l'islam est devenu un étranger complet. Et ceci va de pair avec la parole du messager alayhi salam dans le hadith authentique qui a dit « L'islam a commencé étranger, il va redevenir étranger comme il a commencé. » Il a commencé étranger, il va redevenir étranger comme il a commencé. Et il a dit bonté, et c'est tout bas, c'est soit la bonne vie dans ce bas monde et dans le delà, soit c'est un arbre au paradis, peu importe, bonté aux étrangers, à ceux qui se cramponnent à leur religion. Il leur a donné trois descriptions à ces étrangers. Il a dit ceux qui sont bien quand les autres sont mauvais, et ceux qui réforment les autres, et qui réforment le mal qu'ont fait les autres. Deuxième description. Et une petite élite de chaque tribu, nous a al-qaba'il, ceux-là qui vont appeler vers la vérité, et qui vont laisser leur pays, etc., pour appeler les gens vers la vérité, pour ordonner le bien, et blâmer le mal, à l'islam. Ce hadith, c'est comme le messager, il est avec nous. Celui qui se cramponne à sa religion maintenant, هذا سيتان اكستريميست هذا سيان وهابيست هذا ايديست سانون فيني با ها سي كوا سيت نوفيل ريليجيون نو بارون ايز ايتي با كوم سا نو غران بارون ايز ايتي با كوم سا ها وهذا ها هذه الغربة أنت تراها، ترى الناس الآن هذا الذي يريد أن يتمسك بالدين ويدعو إلى الدين الحق هذا وهابي، هذا إرهابي، هذا متطرف، أش الدين جديد؟ الدين ما تنعرفوه لا عند والدينا ولا كانوا والدينا على هذا ولا جدنا، أش هذا الشيء اللي جبتوه جديد؟ فهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ Cela te prouve la véracité de ces messagers, alayhi salatu wasalam, qui ne parlent pas de ses propres passions. Que les choses arrivent comme il les a dites, alayhi salatu wasalam. Et de l'uqa ala, sidqi nubuwati al-Mustafa, alayhi salatu wasalam, wal umur taqa' kama akhbara bi al-Mustafa, alayhi salatu wasalam. Falabudda ikhwat al-Islam, an nuhakika hada al-haq al-azim, alladhi huwa, alladhi min ajlihi khuliqna, huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala. مهما يكون ومهما تقول الناس فيجب أن يكون قصدنا إرضاء الله سبحانه وتعالى، لأن إرضاء الناس هذه غاية لن تبلغها أبدا، لن يرضى عنك الناس، لكن إرضاء الله أمر سهل وميسور، إخلاص للعبادة لله واتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فيرضى الرب عنك. وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك أحبك، وإذا أحبك فكان لك خير الدنيا والآخرة. وإن الله عز وجل pour ça il faut que on s'acharne et qu'on tient à connaître comme il se doit le droit d'Allah سبحانه وتعالى et de l'accomplir dans notre vie et de l'accomplir comme il se doit, réserver le culte exclusivement à Allah سبحانه وتعالى dans un suivi aveugle du messager عليه الصلاة والسلام pour avoir l'agrément d'Allah سبحانه وتعالى. Les gens, ils vont pas t'agréer. Que les gens soient contents de toi, ceci c'est impossible. S'il y a une partie qui est contente de toi, alors les autres ne sont pas contents de toi. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala t'agrée, ceci est facile. Ceci passe par le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'agrée, t'aime, tu as eu le bonheur de ces deux côtés. Tu es dans le comble à l'islam. وهذا الحق الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى والذي من أجله خلقنا يجب أن يحقق الإنسان بعيدا عن الشرك وعن الرياء وعن السمعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقوم بتوحيد الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اخلص عبادتك لله سبحانه وتعالى حتى تموت. Et ce droit, frère en Allah, Azza wa Jal, tu dois l'accomplir loin de toute forme d'associationnisme, que ce soit le grand associationnisme ou le petit associationnisme, loin de l'ostentation, loin du condirat-on, etc. Il est dit dans le verset adore Allah, il ne lui fait aucun associé. Et tu dois l'accomplir jusqu'à la fin de ta vie. Et adore Allah, réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort. مرة معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فيجب أن يؤدى هذا الحق كما أراد الله سبحانه وتعالى وأن يكون الإنسان على حذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك لابد والله عز وجل كي يبصر بك نوياه que Mu'adh, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Mu'adh, que le droit d'Allah c'est le fait qu'il l'adore, qu'il ne lui fasse aucun associé. Donc l'être humain et le musulman, le soumis à Allah sallam, doit faire attention d'accomplir ce devoir sans tomber dans aucune forme d'associationnisme. Limada, wa alaykum salam, limada, lianna shirka dhulmun azim, a'azamu dhulm, shirk billah azza wa jalla. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالله سبحانه وتعالى سمى الشرك ظلم عظيم أخ الإسلام donc pourquoi faut faire très attention à toute forme d'associationnisme parce que l'associationnisme c'est le plus grand des crimes c'est la plus grande des injustices comme il a dit Allah سبحانه وتعالى dans le Coran dans ses traductions approximatives Luqman il parle à son fils et du fiston ne fais pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala car l'associationnisme c'est la plus grande des injustices il n'y a pas plus grande injustice que l'associationnisme tous les terrains que tu vois et qui tuent et qui massacrent le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala est pire que tout ça est pire que tout ça هذا الظلم لا بعض الظالمين يظلمون الناس الشرك أكبر من ما يفعل هؤلاء الشرك أكبر من ما يفعل هؤلاء هم ظالمون نعم ولكن الشرك أكبر من هذا كله certes ils sont injustes quand ils commettent des injustices sur les gens etc mais l'association est beaucoup plus grave et plus énorme que ce qu'ils font كذلك الشرك يحبط العمل قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ها قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون والله ها يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلك على عظم الشرك هل كان النبي يشرك بالله أبدا ما أشرك نبي بالله عز وجل لكن هذا الخطاب يدلك على عظم الشرك ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الأنبياء قبلك أنه إذا أشركت عملك يذهب كله هباء منثورا كل ما عمل الإنسان يذهب هباء منثورا الله عز وجل الأسوسياسيونيزم أن يونتي تو لي زوفغ إلي ديتروي توت Il ne laisse rien. C'est le ravage total. Il dit dans le verset, dit, est-ce que c'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala que vous m'ordonnez d'adorer, vous les ignorants? Et la suite du verset, il t'a été révélé à Mohammed, ainsi qu'à ceux avant toi, que si tu es associé à Allah, tes actes vont être détruits. Il ne restera plus rien. Et tu seras parmi les perdants. Est-ce qu'un prophète, il y a un prophète qui est associé? Eh ben, aucun prophète n'est associé. Mais cette parole te montre, et cette parole d'Allah te montre là, le danger de l'associationnisme, qu'il y a anéanti tout, hein, il détruit tout. Aucune œuvre ne reste. Fini. كذلك لأن الشرك يحرم صاحبه من دخول الجنة أبدا المشرك لن يدخل الجنة الذي مات على الشرك الأكبر لن يدخل الجنة أخ الإسلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أبدا لن يدخل الجنة parce que l'associationnisme interdit à la personne le paradis. Celui qui meurt sur l'associationnisme ne verra pas le dehors du paradis. Il est dit dans le verset, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis, sa demeure sera le feu de l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala, et les injustes n'ont pas d'alliés. Hein? Kadhalika ba'd inshallah, à la fin. Hein? Kadhalika shirk يحرم صاحبه من مغفرة الذنوب يحرم صاحبه من مغفرة الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا مات الإنسان على الشرك ولم يتب منه فذنوبه لن تغفر لأن أعظم الذنب معه هو الشرك بالله أما إذا مات الإنسان مع على التوحيد وكانت مع ذنوب هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء وهذا من فضل الله عليه وإن شاء عذبه وهذا من عدله سبحانه وتعالى من الله عز وجل إلى أسوسياسيونيزم avec l'associationnisme si la personne meurt sur l'associationnisme donc son péché ne sera pas ses péchés ne seront pas pardonnés. Hein, il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui fasse d'associer. Et en-dessus de ça, il pardonne à qui il veut. Si quelqu'un il meurt sur l'associationnisme avec d'autres péchés, Allah il ne va pas lui pardonner ses péchés. Mais si quelqu'un il meurt sur le monothéisme, et il a des péchés capitaux autres, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner, et ce sera clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne, et s'il le châtie, ce sera justice. Mais il ne restera pas justice accomplie min Allah Azza wa Jal et il ne restera pas éternellement au feu de l'enfer parce qu'il est mort hein, sur le monothéisme. Et dans le hadith al-Qudsi, يبن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدلك على عظم التوحيد وعظم تحقيق حق الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إذا أتيتني بكل الأرض خطايا وأنت لا تشرك شيئا بالله ماذا لك عند الله؟ يأتيك بالأرض كلها مغفرة. يدلك على عظم تحقيق التوحيد أخي الإسلام وفضل التوحيد. والله عز وجل يدون الحديث القدسي يعني دي أو descendant d'Adam si tu arrives vers moi, c'est-à-dire le jour de la résurrection avec la terre remplie de péchés, c'est-à-dire tes péchés sont comme la superficie de la terre. Et tu rencontres Allah sans associé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rencontrer avec la terre complète de pardon. Ça se prouve quoi? La valeur et les grandes vertus du monothéisme. Et le grand est les vertus du fait d'accomplir l'adoration sincèrement pour Allah. كذلك الشرك يجعل صاحبه من شر البرية شر الخلق على وجه الأرض هم المشركون بقول ربنا عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر الخليقة على وجه الأرض. ها حنا بعض الخطرات يتباهوا يقول لك شوف لابي بيير اش دار. لابي بيير الا مات على الشرك هذا شر الخليقه عند الله ما يسوى شاي. ها تقول لك مهم تيريزا شوف اش دارت مع لي ليبرو في الهند هذه الا مات على التتليد ديالها وما تابت الله وما رجعت لهذا هذه شر الخليقه عند الله فلا تنساخ الاسلام انظر ما هو اعظم الظلم واعظم جريمه في البشريه الشرك بالله يجب أن نفهم هذا جيدا حتى يكون عندنا الموازين إذا وزننا شيئا نزنه حقيقة فلا تغتر بأعمال هؤلاء إن كانوا مشركين متلتين لله وما تالوا على ذلك فلا وزن لهم عند الله لا وزن لهم عند الله لأن الأمر الذي خلقوا من أجله لم يحققوه ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة On Allah Azza wa Jal, car l'associationnisme aussi, l'associateur, il est la pire des créatures, il est la plus mauvaise des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, certes les mécréants, parmi les gens du livre et les associateurs, sont au feu de l'enfer éternellement. Et ceux-là, ce sont les pires des créatures, et les plus mauvaises. Les plus mauvais de la création. Il n'y a pas plus grande injustice, plus grand mal que l'associationnisme à l'islam et la mécréance. Et pour que tu te rends compte, regarde, des fois, des personnes sont ébahies. Ils disent, regarde l'abbé Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Wallah, l'abbé Pierre, s'il est mort dans sa trinité, dans son associationnisme, il n'a aucune valeur chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le pire des créatures. Le pape, autre, Mère Teresa, leur Mère Teresa qui a été au milieu des lépreux en Inde, tout ça ne servira à rien parce que c'est elle était associatrice à l'islam, c'est elle était dans la Trinité, il est mort dans la Trinité, dans l'associationnisme. Aucune valeur. Leurs œuvres ne valent rien devant Allah parce que la chose la plus importante, ils ne l'ont pas accomplie. La chose pour laquelle ils ont, Allah il leur a donné la vie, ils ne l'ont pas accomplie, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que nous comprenions ça pour que donner la valeur exacte aux choses et ne pas se tromper. Vous voyez des gens, ils disent, « Mihada, il est mieux, ce chrétien-là, il est mieux que ce musulman. »« A'oudou billah, ce musulman est mieux que tous ces chrétiens sur terre. » Parce que « Hada, il est monothéiste, il est associateur. » Comment tu juges, Nta? On va te laisser, on te dit, « Hada, le Masih, Hada, Hassan, Hada, le Muslim, Hada. » Là, « Hada, le Muslim, Bouhdo, Hassan, Hada, le Masih, Hine, Kulloum. »« Il a qu'un Hada, Mouhid, Fahou, Hassan, Minoum, Kulloum. »« Voilà où qu'un fils, il khoulouk. »« Voilà où qu'un fils, il khoulouk. » هذا لا تنساش هذه القضية هذه أبدا لن يكون الموحد المشرك أفضل من الموحد في ميزان الشرع وفي ميزان الله سبحانه وتعالى لا بد داخل الإسلام faut pas jamais l'associateur il sera mieux qu'un monothéiste même si le monothéiste il est d'un mauvais comportement il est toujours mieux que cet associateur c'est la législation à l'islam qui pèse les choses et non pas ce que moi je vois فانتظر الآن الناس في مشارق الأرض ومغاربها تقع في الشرك الناس تحج وتصلي وتزكي وتصوم وتقع في الشرك لأن عندهم مفاهيم خاطئة علماء السوء فيما يخص الذبح لغير الله والذبح للصالحين وللقبور هذه وسيلة هؤلاء صالحين يقربون إلى الله زلفى فوقعهم على رؤوسهم في الشرك tu vois autour de toi en Afrique du Nord et ailleurs l'homme il a fait peut-être 7 fois il a été au pèlerinage mais il ne cesse d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et d'égorger pour des morts pour des tombes quand il achète une maison, pour le djinn de la maison, et ainsi de suite. Et tu vois autour de toi, l'islam, l'Afrique du Nord et ailleurs, comment les gens ils tombent dans l'associationnisme. Pourquoi il a fait le pèlerinage, etc. Parce que les mauvais hommes de science, les mauvais de la science leur ont donné des fausses définitions sur le monothéisme. Ils ont appelé le fait d'égorger pour autre qu'Allah un moyen pour se rapprocher. Parce que ce vertueux qui est dans la tombe, c'est dit, c'est un homme vertueux, il a sa place chez Allah, donc on égorge pour lui pour qu'il nous rapproche d'Allah, qu'il soit notre intermédiaire. A'oudou billah. Les faits d'égorger, il est pour Allah. Il doit être réservé pour Allah et non pas pour un mort. Hein? On leur a faussé les définitions, ils sont tombés dans un truc sur leur tête à l'islam. فسروا لهم كلمة التوحيد بماذا؟ لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله. إيه صح أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. هل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هذا ليس معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما فسر له أن الخالق هو الله والمالك هو الله والمحيي هو الله، فيظهر له أن إذا ذبح للقبر ما فيه مشكل، ذبح للجن ما فيه مشكل، لأنه لم يفهمه أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن الذبح يجب أن يكون لله، وأن الدعاء لا تدعو الميت، تدعو الله، تطلب من الله، ولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تطلب رب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول إلا الكعبة، لكن تطلب رب الكعبة. لكن بما أنه فهموهم خطأ فأوقعوهم في الشرك أخي الإسلام، ووقعوهم في الشرك كذلك. Donc, et aussi on le, ces mauvais hommes de science ont donné une fausse interprétation à la parole de l'unicité. Ils disent لا إله إلا الله، il n'y a de créateur qu'Allah، ne donne la subsistance qu'Allah، ne donne la vie et la mort qu'Allah، n'a la royauté qu'Allah، etc. C'est vrai, tout ça est vrai. Mais est-ce que ça c'est la réalité, c'est la définition de la ilaha illallah? Abadan. Abadan akhal islam. La ilaha illallah veut dire ni digne d'être adoré qu'Allah. Et que le culte doit être réservé exclusivement à Allah. Et puisque les gens ont gobé ça, qu'il n'y a de créateur qu'Allah, etc. Bah, du moment que nous on croit qu'Allah est le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, donc le fait d'égorger pour le djinn, ou là pour la tombe, ou etc., ou là de demander aux morts, ce n'est pas un problème. Abadan akhal islam. Ça, c'est pas la réalité de la ilaha illallah. La ilaha illallah, le fait que ce que tu égorges doit être pour Allah. Ton dua, tu demandes à Allah, tu demandes pas au prophète, tu demandes pas à un ange non plus, tu demandes pas à la Kaaba non plus. Tu demandes au souverain de la Kaaba, et au souverain du prophète, hein, et au souverain du jeûne. Pas au jeûne, rien du tout de tout ça. Abadan akhal islam. L'an ida addan nasu haqq Allah. وقاموا بحق الله وفق مراد الله وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا لهم إذا عبدوا الله وحققوا التوحيد ماذا لهم أخي الإسلام maintenant c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'acquitte de son devoir vis-à-vis d'Allah et il accomplit le monothéisme comme le veut Allah et comme hein, l'a fait son messager عليه الصلاة والسلام etc. qu'est-ce qu'il a dans ce bas monde التمكين في الأرض أخي الإسلام. تريد أن تمكن في الأرض، تريد الشرف والعزة والقوة، عليك بتوحيد الله. يقول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ها؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أشنو الشرط؟ الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات حققوا التوحيد وأتوا بالأعمال وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام منكم أي من المؤمنين ماذا وعدهم؟ أن يستخلفهم ويجعلهم خلائف بعضهم يخلف بعضا على الأرض وأن يجعل القوة لدينهم ويمكن لهم الدين ويبدل لهم الخوف اللي عايشين فيه يبدل لهم أمان ها؟ وشنو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا يحقق التوحيد يوحدون الله في عبادتهم فقط تريد التمكين في الأرض تريد الشرف تريد القوة تريد الأمن والأمان فعليك بتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون لك لا هذا انظر مشارق الأرض ومغاربها، لماذا الناس ليست في أمان؟ ما حققوا ما أراد الله منهم. الله عز وجل la première des choses qui découle du fait d'accomplir le monothéisme, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala donne la puissance à ceux qui accomplissent le monothéisme sur terre. Hein? Il les honore, il les élève. Il est dit dans le verset, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont fait bonne œuvre, accomplissement du monothéisme, et la bonne œuvre, une œuvre qui est faite dans la sincérité et dans le suivi. Allah subhanahu wa ta'ala va les faire succéder les uns les autres sur cette terre, génération après génération, comme il l'a fait pour ceux avant eux. Et il va renforcer leur religion et élever leur religion, hein, et il va leur changer leur peur en sécurité. Pourquoi? C'est quoi la condition? Il m'adore sans faire d'associés. Hein? La suprématie, les honneurs, la puissance, tout ce que tu veux, passe par le monothéisme, à l'islam. Passe par le monothéisme. La sécurité, le comble de la sécurité, passe par le monothéisme. L'aisance dans la vie passe par le monothéisme. Hein? Et regarde maintenant à travers la planète combien d'associationnisme s'accomplit. En Palestine, en Syrie, en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, passe et vas-y. Hein? Et regarde l'insécurité qu'il y a à travers le monde. Et regarde où sont les gens par rapport au droit d'Allah. Il a tout compris. Et t'as tout compris à l'islam. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. الزبور اللوح المحفوظ. قد كتبنا في اللوح المحفوظ أن الأرض من يرثها الصالحون من عباد الله، أي الذين وحدوا الله واتبعوا في ذلك المرسلين. Il est écrit dans, hein, là où est écrit tout le destin et tout, hein, il est écrit dedans, hein, que la terre qui va en hériter, ce sont les serviteurs d'Allah vertueux, pieux, ceux qui réservent les cultes exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala dans un suivi des messagers. C'est ceux-là les héritiers de la terre. كذلك هذا الموحد يحفظه الله من كيد الشيطان. تريد أن يحفظك الله من وسواس الشيطان ومن كيد الشيطان ومن حبال الشيطان، فعليك بالتوحيد، عليك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان لا سلطان له على الموحد أبدا. هذا الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ها؟ وهذا الشيطان، هذا العدو المبين، اعترف بنفسه أنه لا يقدر على عباد الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو يعترف بأنه لا قبل له ولا قوة له على عباد الله المخلصين. لماذا كانوا مخلصين هؤلاء؟ لأنهم أخلصوا الدين لله واتبعوا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان أن أخلصهم الله ورفعهم وأيدهم بحفظه ونصره. ها؟ donc tu veux être protégé par des manigances et des ruses de Shaitan, il faut accomplir le monothéisme. Il peut rien pour les monothéistes. Il est dit dans le verset, certes, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Hein? C'est la parole d'Allah, à l'islam. Inna ibadi laysa lak alayhim sultan. Et lui-même, l'ennemi clair, l'a reconnu lui-même. Comme il est dit dans le verset, par ta puissance, je vais tous les égarer, sauf tes serviteurs élus. Pourquoi d'où ils sont élus? Parce qu'ils ont réservé le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le suivi du messager, Allah subhanahu wa ta'ala les protège, les fait triompher et les élève. Et Shaitan ne peut rien pour eux. Hein? كذلك هذا الذي يحقق التوحيد. Hein? يحقق يتزود بالتقوى. يتزود بالتقوى التي تنفعه في الدار الآخرة. وتنفعه في دنياه كذلك. ها؟ معنى التقوى، التقوى أن يمتثل الإنسان الأوامر بدليل من الكتاب والسنة يرجو ثواب الله، وكذلك أن يجتنب المعاصي بدليل من الكتاب والسنة يخاف عقاب الله، هذه التقوى. ها؟ الله عز وجل et aussi ceux qui accomplissent le monothéisme ils acquérissent la grande provision pour ce bas monde et pour le delà et surtout pour le delà. La grande provision qui est taqwa. Et taqwa, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve. Allah a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. En espérant la récompense min Allah. Et s'abstenir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit avec preuve. En ayant peur du châtiment d'Allah. Ça c'est taqwa. C'est la religion complète, c'est la foi complète, c'est la bienfaisance, c'est tout ce que tu veux. Hein? التقوى هي الإحسان هي الإسلام هي الإيمان جماع الخير كله في التقوى. يا لماذا خلقنا لتحقيقها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي دعبت الله، أخلصت العبادة لله، واتبعت في عبادتك رسول الله، ماذا يكون لك؟ تكون أن تحصل على التقوى، وبدون عبادة الله وإفراد الله بالعبادة واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تكون لك التقوى. Et donc il est dit dans le verset, dans le premier ordre qu'il y a dans le Coran, aux gens, adorez votre souverain qui vous a créé ceux avant vous. Et si vous le faites, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez atteindre taqwa. Le fait d'adorer Allah, de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être dans le sujet du message Al-Sun, t'arrives à voir cette énorme provision qui est taqwa. Bi'ibadatillah ta'tika taqwa. Wa hiya manba'u kulli khair. Aradta al-jannata fa'alika bi'taqwa. Al-jannata u'iddat liman? U'iddat lil muttaqin. Turid al-fawz fi al-dunya wa fi al-akhirah. ها عليك بالتقوى إن للمتقين مفازا سدت في وجهك الأبواب كلها عليك بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سد كل شيء عليك بالتقوى اللي بيتي عليك بالتقوى الدنيا والآخرة كان في التقوى آخر الإسلام. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu acquiers taqwa. Hein? C'est une énorme provision. Et c'est l'origine de tout le bien, dans ce bas monde et dans le delà. Tu veux le paradis? Le paradis, il est préparé pour, comme il est dit dans le même verset, pour ceux qui préservent les droits d'Allah, le muttaqin. Tu veux le gain dans ce bas monde et dans le delà? Tu es obligé. Taqwa. Hein? Ça ne va plus, toutes les portes sont fermées devant toi. Taqwa, il dit dans le verset, celui qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, lui donne une issue. Et sa subsistance lui vient de là où il n'attend pas. Turid al-amna wal-aman, alayka bit-taqwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum hizanun. Man hum? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. لا خوف عليهم ولا محزن ابدا امن وامان اخر الاسلام. Tu veux la sécurité, frère, en Allah Azza wa Jalla. La même chose, taqwa. Certes, les alliés d'Allah, ils n'ont pas à avoir peur ni à être attristés. Qui sont ceux-là? Ceux qui ont cru et qui ont préservé les droits d'Allah. كذلك يتحصل الانسان بتحقيق التوحيد على محبة الله التي هي السعادة في الدنيا والآخرة. إذا أحبك الله فلا تدري السعادة التي ستصل إليها آخر الإسلام. Aussi avec le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, tu atteins le but, le summum du but qui est le fait d'être aimé par Allah. Et là tu tiens, si Allah il t'aime, tu as tenu le bien de ces deux côtés, le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلاه التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لكن هذا بعد أداء الفرائض. من يؤدي الإنسان الواجبات ويتقرب الله سبحانه وتعالى بالنوافل أشيطرة نوافل مكملات التوحيد أشيطرة تحب الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبه الله وفق نظره ألا يقع على ما حرم الله، ووفق سمعه ألا يسمع ما يغضب الله، ووفق يده ألا تبطش ولا تعمل ما لا يرضي الله، ووفق رجله ألا تأتي مكانا أو تحمله إلى مكان لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا طلب من الله شيئا أعطاه، وإذا توجه إلى الله واعتصم بالله لكي يحميه والتجأ إليه عصمه الله وحماه. كل هذا فضل التوحيد، وكل هذا يتئم من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. Et donc pour avoir le bonheur qu'il fait d'être aimé par Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà, hein, dans le hadith Qudsi, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je serai son oui avec laquelle il entend, et sa vie avec laquelle il voit, et sa main avec laquelle il fait les choses, et ses pieds avec lesquels il marche. Et quand il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi pour le protéger, je le protège. Hein? Mais tout ceci arrive après l'accomplissement des obligations. La personne ne cesse de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala avec le surrogatoire jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime. Et si il l'aime, il va faire que son oui n'écoute que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il va la détourner de ce qui va lui prévaloir la colère d'Allah. Et la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accomplir sa vue pour ne tomber que sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Il va lui faire éviter la vue des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, n'agrée pas. Avec sa main, il lui fera faire que des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Avec ses pieds aussi. Et quand il demandera quelque chose à Allah, Allah lui donnera. Et quand il cherchera refuge auprès de Allah subhanahu wa ta'ala pour le protéger, Allah subhanahu wa ta'ala, il le protégera. كذلك علم أخ الإسلام هذا أمر عظيم. إن الله تبارك وتعالى إذا أحب شخصا نادى جبريل. ها إن الله أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. حديث صحيح عند الإمام البخاري والإمام مسلم. الإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى تعيط لجبريل تقول له حبيت أنا فلان، فيحبه جبريل، وجبريل ينادي أهل السماء الملائكة فلان راه تيحب الله، وعطيهم الأمر باش يحبوه، فتيحبوه وتيرجع ليه الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض. ها، فهذا أمر عظيم أخي الإسلام. شوف كاين من الناس على حسب الأعمال ديالهم الصالحات وكذا، اللي سولتي أنت يقول لك خير الناس، كاين من الناس يقول لك أعوذ بالله. إلا يذكرت لي سميته يقول خلينا منه، خلينا ذكرنا بنادم هذا ولا سميته. ها، وهذا كذا شتي في الأعمال ديالو تلقى الرجل متواضع لله عبادته كذا كذا كذا، فتلقى كل شيء الناس قابلينه. ها، فهذا خير عظيم أخي الإسلام. كذلك والسيف خير من الله عز وجل. كنت الله سبحانه وتعالى أم أن دو سي سيرفيتور كوم لي دون الحديث أوثنتيك إلا بيل جبريل. Et lui annonce qu'il aime telle personne. Et Jibril, il l'aime. Hein? Il reçoit l'ordre de l'aimer, il l'aime. Et il appelle les habitants des cieux qui sont les anges, leur dit, Allah, il aime telle personne, aimez-la. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'acceptation. Les anges l'aiment et sur terre, cette personne, il a l'acceptation. Regarde, ce comble du bien. Et regarde, des fois, ceci, tu vois des personnes. Tu demandes à n'importe qui, ils sont aimés par les gens. Et celui-là, tu viens, c'est un homme de bien. Quand tu regardes la personne, tu vois que c'est une personne dans l'obéissance à Allah, il œuvre dans le bien, etc. Des bonnes paroles avec tout le monde, etc. Préserve les droits de Allah. Et tu as des personnes, dès que tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, Aoudou Billah, pourquoi tu prends. Qu'est-ce que tu prononces ce nom? Rien qu'à entendre son prénom, là, son nom, déjà il a la chair de poule, il ne veut pas l'entendre. Hein? Et que tu regardes ses œuvres, tu vois que ses œuvres sont. Hein, il y a de quoi. كذلك ماذا عند الموحد في الآخرة؟ الأمن من الفزع الأكبر والفوز بالجنة. الأمن من الفزع الأكبر، الفزع يوم القيامة الموحد لا يفزع، ما يخاف هذيك الخوف اللي تيخاف كل شيء. هذا الفزع راه ماشي الخوف ديالك ديال الدنيا هنا، هذا راه أمر آخر أخا الإسلام. قال عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. متى؟ يوم القيامة. لا تحزنوش، ما عندكش لاش تخاف. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي أنتم ومن كان على عملكم تنعمون في الجنة، ادخلوا إلى النعيم. هذا ثمرات التوحيد أخ الإسلام، ثمرات إخلاص العبادة لله واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. من الله عز وجل aussi qu'est-ce qu'ils ont dans le delà ces monothéistes, ils ont la sécurité de la grande peur, la grande peur du jour de la résurrection. Moi, ils ne la subissent pas, la sécurité totale. Ils auront, ils gagneront le paradis. Il est dit dans le verset: ô serviteurs, ô mes serviteurs, vous n'avez pas à avoir peur ce jour-là, le jour de la résurrection, ni à être attristés. Qui sont ceux-là? Ceux qui ont cru en les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Rentrez au paradis, vous et ceux qui ont accompli les mêmes œuvres que vous. Là, vous allez être dans les délices. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi al-hadith al-qudsi: a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Waqra'u in shi'tum fa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Amr 'azim. عد لهم الله سبحانه وتعالى شي حاجة اللي ما عمرها خطرت على بالك ولا خطرت على قلب شي بشر، ولا شافتها شي عين ديال شي بشر، ولا سمعت بها شي أذن ديال شي بشر. وسي كما اللي يدون الحديث القدسي: ها جي بريباري بور مي سيرفيتور فيرتيو ce que aucun œil n'a vu, aucun oui n'a pu entendre parler des choses qui les attendent, et aucun cœur ne soupçonne ce qui les attend là où chez Allah سبحانه وتعالى. Il disait: si vous voulez, aucune âme ne sait ce qui leur a été réservé et caché parmi les choses qui font, qui sont les prunelles des yeux. C'est des choses que, qui sont belles, qui sont, tu peux même pas imaginer ce que Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux croyants. On a des descriptions, mais bon, la réalité est tout à fait autre. كذلك لا يعذبهم الله في النار. الموحد لا يعذبه الله في النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هل تدري ما حق الله، ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: والله ورسوله اعلم. قال: حق العباد على الله الا يعذبهم، الا يعذب الموحد لا يعذبه الله سبحانه وتعالى. Aussi, c'est que les monothéistes qui ont accompli le monothéisme, Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtie pas avec le feu de l'enfer, comme il est dans le hadith de Mu'adh que nous avons vu hier. Si les gens accomplissent le monothéisme, qu'est-ce qu'ils ont chez Allah subhanahu wa ta'ala? Mu'adh a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam: qu'Allah, ils sont messagers qui le savent. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ils ont chez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne les châtiera pas. Fahakullahi alayna ikhwat al-islam an na'budahu wahdahu wa la nushrika bihi shay'a. La budda. فإذا فعلنا ذلك سعدنا في الدنيا وفي الآخرة. Donc الله عز وجل le droit de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous c'est le fait d'accomplir le culte que nous demandons par Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous le faisons, nous allons avoir la réjouissance dans ce bas monde et le comble de la réjouissance dans le delà. والعبادة أخ الإسلام لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وهذا الأب أصل يجب أن تعرفه وأن تعمل به، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة. ما يمكنش كان شي واحد اللي تقبل ليه الصلاة وهو موضي، لا الوضوء الصغير ولا الوضوء الكبير أبدا. فكذلك العبادة ما مع التوحيد ما كانش عبادة. فالعبادة إذا اختلطت بالذبح لغير الله أو بدعاء المقبور وكذا فليست عبادة، فلا تقبل من الإنسان، ترد عليه وهي وبال عليه. رحمه الله عز وجل إلى أدوغاسيون ne peut pas être appelé adoration qu'avec le monothéisme. Et ça, il faut qu'on le maîtrise, ce fondement principal, et le connaître et le mettre en application. C'est comme la prière. La prière en état d'impureté, ce n'est pas une prière, il ne peut pas être accepté. Il n'a ni l'odo le kbir, ni le grand odo, ni le petit odo, il fait la prière. Oui, il a eu lieu. Il n'a pas eu lieu cette prière. La même chose pour les œuvres. S'il n'y a pas le monothéisme, il n'y a pas eu d'œuvre. Hein? L'adoration, s'il est mélangé avec le fait d'égorger pour autre qu'Allah ou de demander à des morts et autres, ben ce n'est plus une adoration à l'islam. قال ابن عباس كل امر بالعباده امر بالتوحيد كل امر امرك الله سبحانه وتعالى به فهو امر بالتوحيد ابن عباس de nous dire chaque ordre hein, dans l'adoration c'est un ordre pour accomplir le monothéisme فالذي يعبد الله مع الشرك فلا يقبل منه كالصلاه بدون طهاره وهذا يتطلب منا اخ الاسلام أن نعرف أفراد العبادات لكي نخص بها الله سبحانه وتعالى. Et donc, celui qui adore Allah سبحانه وتعالى, tout son association à Allah سبحانه وتعالى, ça, son adoration ne sera pas acceptée de lui. Abadan. Hein? C'est comme la prière sans le dos. Et c'est pas une prière. Et ça, ça demande de nous de connaître les individus de l'adoration pour les réserver à Allah. الدبع عبادة فيجب أن يكون لله الرجاء عبادة يكون لله الاستغاثة عبادة يجب أن تكون لله الاستعانة التوكل أفراد عبادة كثيرة الصلاة الزكاة الصدقة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كل هذه عبادات ها donc nous devons connaître les individus de l'adoration pour les accomplir pour Allah. L'espoir, c'est un acte d'adoration. La crainte est un acte d'adoration du cœur. Hein? L'amour est un acte d'adoration du cœur. Il doit être réservé à Allah. La prière, le jeûne, la charité, la da'wa ila Allah, le fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal, et ainsi de suite. Fais-je-moi un tukhlas à l'Illah. Fais-je-moi un tarif ma wal ikhlas. Ahzik mital. Indek abra diyal shi'ir mkhiltab abra diyal l'gmh. Ubiti l'gmh bouhdu. Ash khasik t'dir. Khasik t'nqih. فيكون تخرج القمح بوحده يكون قمح خالص ها يزا باس كو سيك لا سانسيريتي سامبل tu as un tas de blé et un tas de blé d'orge ils sont mélangés et tu veux que du blé qu'est-ce que tu vas faire bah tu commences à nettoyer les graines de blé toutes seules tu les sépares de l'orge pour avoir du blé pur hada donc tes œuvres ils doivent être faits sincèrement pour Allah. فالعبادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اللي بغى من الله سبحانه وتعالى فهي تتعم الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها خصت كل الله سبحانه وتعالى. Et l'adoration que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoration, il a une définition générale que lui a donné Cheikh l'Islam, le Seigneur rahmatoullah alayh, tout acte qui est aimé min Allah, qu'il soit des paroles ou des œuvres, apparents et cachés, du moment qu'ils sont agréés min Allah, c'est un acte d'adoration. C'est-à-dire les actes du cœur et les actes que tu fais avec tes membres, et les actes que tu fais avec ta langue. Du moment qu'ils sont agréés min Allah, ben c'est un acte d'adoration. Hein? كل عمل يغضب الله ولا يرضي الله ويسخط الله ويلعن عليه الله فليس بعبادة. Et tout acte que Allah subhanahu wa ta'ala maudit, hein? Et châtié pour cet acte, c'est pas un acte d'adoration. فالأعمال الظاهرة الشهادتين إقام الصلاة إيتاء الزكاة الصوم الحج الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذه أعمال ظاهرة. Et donc les actes apparents, l'attestation de foi, l'accomplissement de la prière, le jeûne, et ainsi de suite. Da'wa ila Allah, et ainsi de suite. L'obéissance aux parents, birrul walidin. Al-batina, l'iman billah, wa bi malaikati, wa bi kutubi, wa bi rusulih, wa bil qadari khayri wa sharri, wa bil yawmi l'akhir. Hein? Wa al-khawf min Allah, wa khashiyatullah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul ala Allah, wa al-raghbatu fi ma inda Allah, wa al-raghbatu min Allah subhanahu wa ta'ala. ها والحب في الله والبغض في الله كل هذا فان الله عز وجل ايه لي زاكت كاشي لي كرويونس في دو كرو اون الله اون سيزونج اون سي ليفر اون ديستان بون موفي اون لو جور دو لو دولا ولا ريزيركسيون ها لامور ايمي بور الله ديتيستي بور الله لا كرانت الله سبحانه وتعالى فير كونفيونس على الله Et ainsi de suite. فالعبادة تشمل أمور عديدة يا أخي الإسلام في الأقوال والأفعال يجب أن تكون لله. Donc l'adoration englobe beaucoup de choses dans nos paroles, dans nos actes. Ils doivent être pour Allah سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة ديالي حياتي يا لله كيفاش سنين نعبد الله سبحانه وتعالى ونقوم بذاك الشيء اللي قام الممات ديالي خاصني نموت على ذاك الشيء اللي بغاني الله سبحانه وتعالى فيه اي حياتي ها نقوم بالتقوى ديال الله سبحانه وتعالى حتى نموت ولا تموتن الا وانتم مسلمون ها فكل شيء ذبح كل شيء il dit dans le verset 10 ma prière ha ce que j'égorge ma vie ma mort sont pour Allah, le souverain du monde, il n'a pas d'associé. Hein? Donc, tout ce que je fais comme acte doit être pour Allah. Ma vie doit être pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tout ce que je le fais pour Allah, dans mes actes d'adoration, et ainsi de suite. Ma mort, je dois mourir en étant soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ فَوَا فِي عِبَادَ فَيَجِبُوا نُخْلِصَهَا لِلَّهِ إِذَا نَامَ الْعَبْدُ مَعَ زَوْجَتِي فَوَا فَيُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ فِي عِبَادَة فهو عبادة وله أجر لأنه نام مع زوجته ليعف نفسه ويعف أهله الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ها إذن فهنا الله عز وجل لا بخيار سيتنا كذادوغاسيون دونك يدوى يدفوه بور الله سيكو لفت دتر avec son épouse la même chose fait pour te préserver pour que tu te préserver préserver ta femme et avoir une bonne descendance et compléter la et grandir la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam et comme il dit dans le verset hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de chercher ce que Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi, le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les femmes pour les hommes et ainsi de suite fa كذلك النوم اذا احتسبت نومتك بانك تنام لكي تعد وتاخذ القوه لعباده الله فيكون نومك عبادة أخي الإسلام تنام لكي تستريح وتأخذ القوة لكي تعبد الله سبحانه وتعالى وتطيع الله سبحانه وتعالى يقول معاذ رضي الله عنه وارضاه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ينام لبنية التقوي للعبادة فيحتسبه عند الله فتكون له أجرا لأنه نام وجعل نومه وسيلة لكي يعبد الله سبحانه وتعالى aussi frère en Allah le fait de dormir et de dormir dans l'intention de prendre des forces pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour reposer ton corps pour adorer mieux Allah subhanahu wa ta'ala et être dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala il est compté comme un acte d'adoration même dans les choses qui sont autorisées l'intention va les changer Mu'ad ibn Jabal il dit j'espère la récompense pour mon sommeil, comme je l'espère pour le fait d'être éveillé. Pourquoi ? Parce qu'il dort pour reposer son corps, pour adorer encore mieux. Hein? Allah Azza wa Jal. فَإِذَا صَلَّى الْإِنسَانِ صَلَاتِ الصُّبْحِ وَخَرَجَ إِلَىٰ عَمَلِهِ فَهُوَ فِي هو في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه ومتلبس بعبادة لأنه خرج يسعى على رزقه ويطلب رزقه كما أمره الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ها الإنسان إلى صلى صلاة الصبح وخرج للخدمة دياله أو ملبس بعبادة وخرج لين باش يجيب الرزق دياله كما أمر الله سبحانه وتعالى كما في ها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ها إذنك سي لا بيرسون يبخي صلاة الفجر يبخي يصور pour aller chercher sa subsistance. Hein? Il est dans une obéissance à l'islam. Hein? Il sort, il a fait ce que Allah a demandé de lui. Il sort, il bouge sur terre pour chercher sa subsistance, comme il est dit dans le verset. Hein? Marchez sur terre pour aller chercher votre subsistance. Dans l'autre verset, dans Surat al-Jumu'ah, quand la prière est terminée, allez-y. Hein? Dispersez-vous sur terre et allez chercher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا كعب بن عجرة يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. حديث صحيح. هذا الإنسان شافوه صحيح لأنه كان الصحة ديال هذا الرجل هذا في سبيل الله في الحرب، فقال لهم هذا الرجل إلا كان خرج باش يجيب الماكلة لولاده الصغار فهو في سبيل الله، وإلا خرج باش يجيب الماكلة لوالديه شي بنين فهو في سبيل الله، وإلا خرج باش يعف نفسه وما يطلب تحت فهو في سبيل الله، لكن إلا خرج باش يتباهى قدام الناس ويبان قدام الناس ويفتخر بداكشي اللي عنده قدام الناس فهو في سبيل الشيطان. ها يا وقال دون سيت حديث اوثنتيك كعب بن عجره ينودي الرسول صلى الله عليه وسلم دوفون الرسول صلى الله عليه وسلم ايتي افيك سي كومبانيون ان نوم اي باسي دوفون لوي اي لي جون دي ها c'est cette force, ils ont vu comment il était fort cet homme, comment il était actif et fort. Et si cette force était sur le sentier de l'Allah, c'est-à-dire sur le combat, sur le terrain du combat, Rasulullah leur a dit, si cet homme est sorti pour chercher la subsistance pour ses enfants, hein, il est sur le sentier d'Allah. Et s'il est sorti pour chercher la subsistance pour ses grands-parents, il est fils habilillah. Et s'il est sorti pour... hein, chercher de la subsistance pour lui, pour ne demander rien à personne, il est vis-à-vis-là. Et s'il est sorti pour l'ostentation, pour se montrer, pour montrer ce qu'il a, mais il est sur le chemin, le sentier de Shaitan, Khalislam. Hein? فالإنسان في كل حركة وكل كلمة إذا احتسب ذلك ونوى بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأخلص لله فهو في عبادة يؤدي بها حق الله. هاه؟ إنسان في كل حركة في كل كلمة ينوى بها وجه الله وكان خالصا لله سبحانه وتعالى فهو في عبادة يؤدي بها حق الله ويتمم بها حق الله سبحانه وتعالى. Et donc l'être humain, dans chaque mouvement, dans chaque parole, si cette parole il est sincère avec son œuvre, il est sincère pour Allah et sa parole est sincère pour Allah, hein, il est dans un acte d'adoration, il complète le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا ضيع الناس حق الله ماذا عليهم؟ هادو دوك اللي حققوا حق الله ولكن اللي ضيعت الناس حق الله اش عليهم؟ مانتونو ها سولا اسكو نو زافون في سو كي اون كومبلو لو دووا دو الله مانتونو سي نيجليج لو دووا دو الله كيس كيزون؟ استحوذ عليهم الشيطان وعبدوه من دون الله. تكبرهم الشيطان وقرصهم وعبدوا الشيطان من دون الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ها الله سبحانه وتعالى قال لك هذا عدو. فالناس لما عبدت الله سبحانه وتعالى يكبر الشيطان اي مانتونون سي لي جون نادور با الله سبحانه وتعالى ساكيت با دو دغوا الله سبحانه وتعالى الشيطان ساكا باغ دو et met sa main sur eux, ils vont l'adorer en dehors d'Allah. Il est dit dans le verset, je vous ai ordonné, ô descendants d'Adam, de ne pas adorer Shaitan, car il est votre ennemi déclaré clair, et adorez-moi, c'est la voie droite, c'est-à-dire réservez le culte à Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est la voie droite. Kadhalika, ida daya'u haqq Allah mada alayhim, abada kullun minhum hawah. واستحوذت عليه نفسه واتبع هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه كالتي عبد الهوى ديالو. نعم نعم كثير من الناس غادي نفضل غفلون عابدين الهوى ديالو داكشي اللي قالت ليه النفس ديالو داكشي اللي قال ليه عقله هو اللي تيدير اوامر ديال الله سبحانه وتعالى كاع مديها فيها هو. ها اي سي اي زاكومبليس با le droit d'Allah, ils vont adorer leur passion. Ils vont suivre leur passion, et donc ça va être l'adoration de leur passion. Ils vont faire ce que leur dicte leur passion, ce qu'ils ont envie. Il dit dans le verset, « As-tu vu celui qui a pris sa divinité, ses passions comme divinité ?» Hein? Et la suite du verset, « Tu crois que beaucoup entendent, ou beaucoup raisonnent ?» Non, ils sont certes comme les bestiaux, sinon plus égarés que les bestiaux. Hein? كذلك إذا لم يحققوا حق الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عبدوا الدرهم والدينار وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى إذا لم يعبدوا الله فسيعبدون يا الهوى يا الشيطان يا الهوى يا الدرهم يا الدنيا والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعيسة تعاسة هذه هي ضد السعادة تعيسة عبد الدينار والدرهم ها إذا أعطيته يضحك وتيرضى ما قبضش من الأمور ديال الدنيا تغضب وتيسخط et si ils accomplissent pas le droit de Allah سبحانه وتعالى ils vont adorer ce bas monde et ses futilités et l'argent qu'il y a dans ce bas الرسول صلى الله عليه وسلم dans le hadith authentique dit malheureux, il sera malheureux l'adorateur du sou hein? Si on lui donne il agrée et il accepte et il est réjoui, si on ne lui donne pas hein? Il maudit, il se lamente, etc. Donc tu vois, en accomplissant le monothéisme, l'agrément d'Allah, le bonheur, et on se dit tournons du monothéisme, on regarde où est-ce qu'on va face à Allah l'Azim, Rabb l'Arsh l'Azim. أرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد وتحقيق العبادة لله واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خير